Conclusion. La catastrophe du suicide de Clément Baldor fut un grand retentissement dans toute l'Allemagne. Les commentaires de cet horrible événement appelèrent l'attention sur la vie privée d'une femme déjà célèbre et que la censure du monde n'épargna pas toujours. Naturellement, le bruit qui se fit autour de son nom devait contribuer beaucoup à lui faire abandonner ce nom trop connu pour devenir comtesse de Mengen, quel que fût son amour de l'indépendance qui seul, prétendait-on, lui avait inspiré tant d'aversion pour un second mariage, alors qu'elle eût pu cesser une première fois d'être veuve en épousant le baron d'Andlau. Mais on crut découvrir encore une des raisons secrètes qui lui avait fait accepter une position équivoque sous la protection du baron plutôt qu'un légitime mariage comme celui qu'elle contracta avec Mario. Femme d'une imagination exaltée, Faustine, comtesse Obernau, avait aimé dans Andlau un protecteur chevaleresque qui l'entourait de tout le respect d'un amour platonique. L'épouser, quand elle se voyait libre, c'eût été, selon elle, justifier les soupçons de son premier mari. Andlau lui-même croyait n'éprouver pour elle que ce sentiment romanesque à la satisfaction duquel suffit l'union des âmes. Ainsi s'aimaient à la même époque Goethe et Bettina. Malheureusement, un amour platonique n'en est pas moins un amour jaloux. De là, le coup fatal que devait porter à Andlau le mariage de la comtesse avec Mario. La comtesse, de son côté, ne s'accusait pas moins amèrement, quoiqu'elle pût se considérer plutôt comme ingrate que comme infidèle. Elle regrettait même parfois de ne s'être pas enchaînée à son protecteur par des liens sacrés, qu'elle eût certainement respectés, elle naguère victime du devoir. Cependant, avec le temps et son changement de nom, la comtesse Mengen finit par occuper de moins en moins d'elle la chronique des salons d'Allemagne. Cette année s'était écoulée depuis les événements racontés par l'auteur de cette histoire, lorsqu'une rencontre fortuite à Venise lui procura l'occasion d'en apprendre le mélancolique dénouement tel qu'on va le lire dans la conclusion de ce roman autobiographique. Le génie lui-même a son fardeau à porter, dis-je en contemplant le tombeau de Léopold Robert à Venise. À ces mots, un autre voyageur leva la tête et me regarda d'un œil si pénétrant que j'en fus frappé. Car dans notre monde prosaïque, demi-curieux, demi-indifférent, les yeux sont généralement sans expression. Ce voyageur était avant nous dans l'église, immobile, les bras croisés, la tête inclinée, habillé de noir, il ressemblait à une statue de basalte. Nous nous étions parlé, mon compagnon et moi, sans penser à lui. On se dispense de certains égards en voyage. Vous passez à côté d'un inconnu comme à côté d'une muraille ou d'un objet inanimé. Celui-ci devait nous avoir entendu causer. C'était peut-être un frère, un parent, un ami de Léopold Robert. Craignant de l'avoir blessé sans le savoir, ou par intérêt pour le souvenir de l'artiste, je lui demandai « Connaissez-vous Léopold Robert ?»« Par ses œuvres seulement, » me répondit-il. Contrairement à mes habitudes, je poursuivis mes questions. « Êtes-vous aussi un artiste ?»« Oh non ! Le fardeau du génie ne m'a pas été imposé. » Je rougis. Je n'aime pas qu'on me répète mes phrases, mais lui, avec une animation croissante. C'est un fardeau lourd à porter, parce que le monde le reconnaît rarement comme tel. On veut que celui qui a du génie soit parfait. Parce qu'il appartient à l'espèce humaine, on le calomnie. Qu'on se souvienne de Byron et de Tutti Quanti. Mon compagnon plaça ici une remarque. Les bizarreries, les excentricités, ainsi qu'on les appelle en Angleterre, ne devraient pas cependant être considérés comme les appendices du génie. « C'est une triste chose, m'écriai-je, que le monde considère les traits caractéristiques du génie comme des extravagances. Colomb fut traité de fou. Galilée fut puni de sa raison comme d'un crime. La postérité les justifie, mais hélas, il n'est pas donné à tous les hommes de se justifier si noblement. Peut-être les mânes de Léopold Robert doivent-elles être reconnaissantes lorsqu'on dit de lui avec un soupir « Le pauvre artiste, c'était un hypochondriaque. » « Oui, oui, » dit l'étranger, « dément ses crimes sont des expressions beaucoup plus dures. » Il n'avait pas changé d'attitude, si ce n'est lorsqu'il avait relevé la tête. Nous le laissâmes près du monument. Dans l'après-midi, nous le rencontrâmes de nouveau à Sainte-Marie. Il nous salua et nous renouâmes l'entretien. Peu à peu, nous cédâmes à l'attrait des sympathies et nous passâmes ensemble une semaine à Venise. Il avait un enfant avec lui, un beau garçon de 6 ans, aux yeux vifs, volontaires, indociles même. Comme j'aime que soient les enfants. On ne les apprivoise que trop tôt. il ne porte que trop tôt les lisières des convenances sociales. « Est-ce votre fils ?» lui demandai-je. « Oui, » répondit-il. Et ses regards se fixant sur lui, il ajouta « C'est mon fils, mais c'est à sa mère qu'elle ressemble. » Nous déjeunions au café Florian et l'enfant se mit à courir sur la place du marché, jetant des miettes de pain aux colombes qui voltigeaient autour de lui, parlant italien aux gondoliers, allemand aux porteurs d'eau, toujours gais, ayant un air heureux à vous faire envie. Quand il s'échappait un peu trop loin, le père l'appelait « Fortunio !» Et l'enfant, à cette voix, d'accourir et souffler pour se jeter dans les bras de son père, riant comme un petit amour. Avant de partir, je prie à l'inconnu de me dire son nom. « Le comte Mengen, » répondit-il. « Mario Mengen ?» lui demandai-je avec un intérêt curieux. « Connaissiez-vous Faustine ?» me demanda-t-il. « Comme vous connaissiez Léopold Robert ?» Le fait est que j'avais passé par Dresde, quelques années auparavant, le lendemain de la catastrophe de Clément, et j'en avais beaucoup entendu parler. Un mois après, le hasard encore m'avait fait apprendre que la célèbre comtesse Faustine avait épousé le comte Mario Mengen. « Eh bien, me dit le comte, puisque telle est votre sympathie pour Faustine, je veux vous raconter la fin de son histoire. » Nous nous dirigeâmes le long de la rive slavonne, vers le jardin solitaire que les Vénitiens fréquentent peu, préférant leurs rues et leurs quais à l'ombre des arbres. Nous nous y assîmes, respirant le doux parfum des acacias, les lagunes devant nous, à notre droite, la ville qui semblait flotter mystérieusement entre le ciel et l'eau, dans la pourpre du soleil couchant, et à gauche, bien au-delà, la chaîne des Alpes couronnée de neige. En vérité, Venise est là digne du renom de sa beauté. J'avais à la main un bouquet d'œillets rouges, ma fleur favorite. Mario le regardait, avec réflexion, et enfin il me dit « Je ne m'évanouirai pas comme faisait la princesse de Lamballe en voyant une violette. Je ne perdrai pas la raison comme fit Perceval lorsqu'il aperçut trois gouttes de sang sur la neige. Mais les œillets rouges me rappellent toujours Faustine. Ces fleurs arrivent rarement à une floraison parfaite. Si la corolle est bien double, le calice éclate et les pétales pendent désolés alentour. Et si le calice n'est pas trop plein, il ne crève pas, mais la fleur reste souvent pauvre et incomplète. Il est presque aussi rare pour une créature humaine qu'elle puisse atteindre à sa plus haute excellence. Elle s'égare dans un extrême ou s'épuise. Telle n'était pas Faustine. Le développement de ses facultés naturelles avait atteint son apogée. Elle n'était pas toujours la même. Mais dans ses transformations, elle conservait son admirable unité. Toute son ardeur se retrouvait dans les aspirations de son âme. Faustine était la passion personnifiée, hésitant parfois avant une résolution énergique pour ne plus hésiter après. Elle eût été plus qu'une femme si elle avait pu se vaincre elle-même. Après la mort de l'infortuné Clément, je conduisis Faustine à ma famille et quand, trois semaines ensuite, elle devint ma femme, elle était déjà la fille chérie de mon père et de ma mère, car cette créature céleste, cette âme de feu, ce génie que l'art avait initié à tous ses secrets, possédait la naïveté d'une jeune fille. Elle ne se doutait pas qu'elle était faite pour charmer le monde. Elle se croyait trop indépendante pour s'enchaîner aux devoirs de la vie domestique, et jamais femme ne les accepta plus modestement. Dire le bonheur que je trouvais dans les commencements de cette union me serait impossible. Je ne me lassais pas d'étudier cette nature d'élite. Comme dans les arabesques de Raphaël, le petit génie semble éclore du sein des fleurs. Ainsi, l'âme de Faustine semblait flotter autour de ces formes gracieuses et leur prêter quelque chose d'aérien. Peu de temps après, nous partîmes pour Florence, où je devais remplir le poste de chargé d'affaires. Faustine quitta l'Allemagne avec plaisir. Tout dans ce pays lui rappelait des souvenirs pénibles ou cruels. Un changement de climat et de société lui était nécessaire. Sa seule crainte était de rencontrer Andlau en Italie. L'Italie est le refuge de tous les cœurs qui souffrent. Un instinct secret lui disait que le baron s'y était retiré et que le hasard les mettrait en présence. L'idée d'une pareille entrevue lui causait des émotions pénibles. Souvent, elle se figurait la vie errante et misérable à laquelle elle avait réduit Andlau, et cette pensée la jetait toujours dans une profonde mélancolie. Enfin, l'image du malheureux Clément était comme un spectre affreux qui la poursuivait sans cesse. Toutes les fois que cette image s'offrait à son souvenir, Faustine tombait dans le délire de la fièvre. Elle se tordait les mains avec désespoir et cherchait, sans pouvoir le trouver, comment elle aurait pu prévenir une telle catastrophe. Cependant, ses accès diminuèrent peu à peu de violence. Le goût toujours plus marqué pour la peinture qui se développa en elle, les études assidues auxquelles elle se livra, enfin la naissance d'un fils, tout contribua à la distraire de ses lugubres préoccupations. C'était un usage immémorial dans ma famille que le fils aîné de la maison reçut le nom de Mario. Mais quand il fut question de baptiser le nouveau-né, Faustine demanda avec instance qu'on dérogeât à cet usage. « Il n'y a qu'un Mario pour moi, » s'écria-t-elle. « Je n'appellerai personne autre de ce nom, pas même son fils. » Il fallut céder à ce caprice de sa tendresse pour moi. Le nouveau-né fut baptisé du nom de Fortunio. Faustine aimait son enfant. Elle l'aimait en mère tendre, mais il semblait que c'était surtout à cause de moi. « Quand Fortunio sera un peu plus grand, » me disait-elle, « son éducation sera pour vous une source d'amusement et de soins délicieux. Vous me retrouverez en lui, et ainsi vous ne me perdrez jamais. » Chose remarquable, elle n'associait point son fils à l'idée de son propre avenir. Nous passâmes 2 années à Florence, 2 années d'une félicité sans mélange, d'une félicité digne du ciel. Parfois, lorsque son cœur trop plein avait besoin de s'épancher, Faustine s'écriait « Ah, si la vie était une suite non interrompue de pareils instants, ah, si l'apathie, l'engourdissement et le sommeil des facultés ne devaient pas succéder à l'enthousiasme, à l'exaltation, à la poésie !» « Ah, si nous étions des dieux et non des hommes » répondais-je en souriant. « Et pourquoi Dieu, reprenait-elle, a-t-il mis en nous quelque chose qui, au milieu de nos changements continuels, ne change jamais, ce désir fixe et permanent qui survit à l'accomplissement de tous nos désirs, ce besoin insatiable par lequel nous aspirons vers une félicité illimitée ?»« Quant à moi, lui disais-je, je n'ai d'autre besoin, d'autre désir que de vous aimer. » Tout mon être, toute ma vie, se résume en ces mots « Je vous aime ».« Mario !» s'écriait Faustine en se jetant dans mes bras. « Mon Mario, cet amour est mon triomphe, ma justification, ma gloire. Mais ne voyez-vous pas qu'après nous être élevés par lui jusqu'aux cieux, nous redescendrons de ces hauteurs divines pour ramper misérablement sur la terre ? À ces moments d'extase où l'âme se repose sur l'âme, où pour se comprendre il n'est pas nécessaire de se parler, succède d'autres moments de langueur et d'indifférence, où je n'ai rien à vous dire, que je ne puisse dire à un autre homme, où vos affaires et mes tristes rêveries nous absorbent chacun de notre côté et nous séparent. Alors, Mario, vos regards n'ont plus cette douce expression de tendresse. Votre conversation, cet intérêt qui m'éveille et m'attire, moi aussi, sans doute, je vous produis un effet semblable, cela doit être, cela est. Eh bien, cela ne serait pas si notre amour était autre chose qu'un amour de ce monde, car ces affadissements, ces tiédeurs, au-delà du tombeau, on ne les connaît pas. Cette conversation avait lieu un soir d'automne, sur la pente du San Miniato, à l'ombre des cyprès qui entourent le cloître de Saint-François. Debout et adossé contre le tronc d'un arbre, je contemplais Faustine assise à mes pieds sur une des marches du couvent, dans une attitude pleine de langueur. Elle avait ôté le chapeau de paille qui lui couvrait la tête. Sa riche chevelure, agitée par la brise du soir, voltigeait en désordre autour d'elle. On eût dit une jeune prophétesse ou une de ces martyrs chrétiennes qu'animait l'inspiration divine. « Mario, » reprit-elle après un long silence, « aimer, adorer éternellement, voilà le vrai bonheur pour moi. »« Hélas, » répliquai-je, « nul homme ici-bas ne mérite un tel amour. Non, mais Dieu le mérite. » Je voulus détourner Faustine de ses pensées, dont je recommençais à soupçonner le danger pour elle. J'amenais la conversation sur les arts, et notamment sur la peinture. Faustine se laissa prendre à ce piège. Elle voulut me comparer à l'Antinous du palais Bracci, à Rome. Je la remerciai en riant d'une comparaison si flatteuse, mais elle reprit d'un air sérieux. « Mon ami, je vous dis que la ressemblance existe. Antinous pense à l'empereur Adrien pour lequel il s'était noyé volontairement dans le Nil, afin que les prêtres puissent lire dans ses entrailles la destinée future de l'empereur. Ainsi il avait commandé l'oracle. C'était pour le récompenser de ce dévouement qu'Adrien lui avait décerné les honneurs divins et l'avait fait représenter en divinité égyptienne couronnée de la fleur du lotus. Hélas, ces 20 honneurs avaient-ils payé le sacrifice de sa vie? Antinous, placé parmi les dieux, est-il indemnisé de sa mort prématurée? L'expression que lui a donnée le peintre dit que non. Mario, Mario, vous aussi, serez-vous forcé de mourir pour moi? malheureuse que je suis, je porte la mort à tous ceux qui m'aiment. Mais non à ceux que vous aimez, Faustine, dis-je en lui prenant la main. Hélas, hélas, murmura-t-elle avec cette mélancolie céleste qui changeait son regard limpide en ce regard sombre et troublé, que je pourrais comparer à l'aspect qu'offre la mer pendant la nuit lorsqu'elle reflète les lueurs tremblantes de la lune. Elle se leva, et je l'accompagnai à San Miniato, gardant le silence, car je ne l'interrompais jamais dans ce retour pénible sur le passé, quoique je me sentisse quelquefois presque jaloux de l'influence qu'exerçaient sur elle ces fantômes de sa mémoire. Mais Faustine ressemblait d'ailleurs si peu aux autres femmes. Nous parlions un jour de Corinne, roman dont les scènes d'amour lui plaisaient moins que les descriptions, et je m'étonnais que cette créature inspirée aimât une pâle figure comme celle d'Oswald. « la piété, mon ami, me dit-elle. Mais les autres ne savent pas ce que peut la piété sur un cœur de femme, et moi-même je ne le sais qu'à demi, car ma compassion va jusqu'à me laisser aimer moi-même. L'objet de ma pitié est toujours inférieur à moi, et pour me soutenir dans les épreuves de ce bas monde, il me faut un être supérieur. Je ne comprends pas non plus comment Corinne peut mourir pour Oswald. C'est intervertir les rôles. Nous vivons pour les hommes, ils meurent pour nous. » « Oui, repris-je, je vois que vous avez là-dessus des idées despotiques. »« Despotiques, peut-être. Et si cela était, qu'y aurait-il d'étonnant ? L'amour est notre élément, notre royaume. Vous y obtenez parfois un rang assez élevé. Mais nous y sommes les indigènes, vous n'y êtes que des voyageurs. C'est la conscience de cette hiérarchie naturelle qui me rend despote. La royauté appartient aux femmes, dans le royaume de l'amour. Mais d'un autre côté, l'amour est aussi la vie même de la femme. Pour elle, cesser d'aimer, c'est cesser de vivre. Malheureusement, cette condition d'existence est difficile à concilier avec les progrès et les développements de la vie. Les rapports de deux amants ou de deux époux peuvent-ils, hélas, rester toujours les mêmes? Peuvent-ils se modifier simultanément? Faustine, lui dis-je, vous êtes en ce moment préoccupée, et vous cherchez à vous distraire par un de vos paradoxes. Je ne vous suivrai pas dans celui-ci. » Je ne devinais que trop ce qui se passait en elle. Mais il y avait d'ailleurs dans Faustine un besoin d'activité qu'il fallait satisfaire à tout prix. Elle m'avoua un jour qu'au milieu de notre bonheur, elle ne pouvait renoncer au rêve qu'elle avait fait autrefois de visiter l'Orient. « Par malheur, lui répondis-je, je ne suis pas assez riche pour réaliser ce rêve comme vous l'entendez. » Elle ne vit pas que j'avais imaginé un prétexte pour résister à cette inquiétude qui seule la poussait à la vie nomade. « J'espère, me dit-elle, que je pourrai venir à votre secours. » Et quelque temps après, elle envoya à Milan un de ses tableaux les plus finis pour le faire graver, comme cela lui arrivait quand elle était contente de sa toile. Puis, 2 mois s'étant écoulés, elle me remit un mandat de 8 000 francs sur un banquier de Florence. « Avez-vous fait un héritage ? » lui demandai-je. « Non, j'ai seulement écrit à Milan pour qu'on vendît mon Ezzelino, si on trouvait un amateur. On en a trouvé un. Pouvons-nous partir pour l'Orient ?» Je fus très contrarié. Ce beau tableau était passé en Russie. Je lui dis que si elle m'en faisait un semblable, nous entreprendrions le voyage. Je savais qu'elle ne le ferait pas. « La même pensée ne s'exécute pas 2 fois avec la même perfection, » dit-elle. Mais elle en fit d'autres, et de plus parfait que son Ezzelino. Elle composa aussi un poème, auquel il ne manquait que quelques corrections pour être un chef-d'œuvre. Ces corrections, elle refusa de les faire. « Je ne songe pas à publier mes vers, » dit-elle, « et je n'y songerai que lorsque je me verrai plus près de ma mort. Je pourrais être un auteur populaire de mon vivant, » ajouta-t-elle, « mais j'aime mieux la gloire que la vogue. Et la gloire, la vraie gloire, ne vient que quand nous ne sommes plus. » Je me permettais parfois quelques railleries sur sa soif de gloire. « Cette soif, me répondit-elle, est un instinct de notre âme qui a conscience de son immortalité. Qui ne croit pas à son avenir n'est pas digne du présent. Pour ce qui est de moi, je l'avoue, je suis persuadé que le ciel m'a départi un grand talent. En lisant un beau poème, en voyant un beau tableau, j'entends une voix secrète qui me répète le mot du corrège « Anch'io, mon cher Mario, l'orgueil ne m'aveugle pas. J'ai parfois aussi une certaine défiance de moi-même. » Je sais qu'on s'abuse sur ses œuvres comme sur ses enfants. Ai-je bien trouvé le secret de l'art? Pétrarque attendait l'immortalité de son poème intitulé « Africa » et il ne l'a conquise que par des sonnets. J'ai peur d'en être encore à mon Africa. Enfin, après 4 ans d'épreuve, je consentis au voyage d'Orient. Mais je voulus d'abord revoir ma famille en Allemagne et lui présenter notre fils. Mes sœurs étaient toutes mariées et nous trouvâmes Charlotte sur le point de l'être. Quelle fut notre surprise quand elle nous présenta son fiancé, un prédicateur du voisinage, un de ces hommes qui ont une réputation de chrétien pieux, les cheveux presque hérissés, les yeux baissés, mais d'où s'échappaient certains regards vifs, perçants et inquisiteurs, qui n'étaient guère en harmonie avec sa voix doucereuse. Pour mieux dire, il y avait dans toute sa personne un air inspiré des doutes sur la sincérité de cette vertu dévote. Faustine le complimenta, mais quand elle voulut féliciter aussi Charlotte, elle ne put articuler ce second compliment. Elle m'avoua, quand nous fûmes seuls, tout son désappointement. « Quel triste et prosaïque fiancé » s'écria-t-elle. En comparaison, Feldorn était un héros de roman, et cette difficile Charlotte, cette fille si clairvoyante, elle a donc perdu la vue. Ne nous a-t-elle pas parlé de son futur comme d'un apôtre ?« Mon cher ange, » repris-je, « vous n'avez pas la moindre idée, croyez-moi, de la folie que peut faire commettre à une femme la peur de mourir vieille fille. Quand cet accès de panique trouble sa raison, une femme est capable de tout. Charlotte a subi cette crise. Elle est fanatisée. » Ma famille fut enchantée de me voir si heureux époux et si heureux père. Faustine ravit tout le monde. La supériorité intellectuelle, qui rend tant de femmes insupportables, ajoutait un charme de plus à son amabilité. Elle repliait délicatement ses ailes pour empêcher les autres de s'apercevoir qu'il n'en avait pas. Mais au moindre encouragement, elle les déployait et son génie rayonnait comme une apparition céleste au milieu d'un cercle d'admirateurs. Nous descendîmes ensuite le Danube et visitâmes Constantinople, la Grèce, la Palestine. N'attendez pas de moi la relation de ce pèlerinage. Quand je me le rappelle, c'est comme un vautour qui me déchire le cœur. J'étais heureux. Faustine était plus heureuse encore que moi, plus richement douée que jamais, plus douce et plus tendre. « Je suis trop heureuse, » répétait-elle elle-même dans ce berceau de la poésie primitive. « Je voudrais mourir ici. Mais comment penser à mourir là où l'on se sent capable de toujours vivre sans vieillir et de jouir sans satiété ? Ne vous semble-t-il pas, Mario, qu'on oublierait de bon cœur toute la civilisation occidentale ?»« Ah, lui dis-je, je connais votre mobilité, ma chère amie. Avant une année, vous regretterez cette civilisation occidentale. » qui vous semble à présent si odieuse. Oui, l'éducation de notre fils nous rappelle. Il a maintenant 4 ans, et il faut l'envoyer à quelque savante école. Il faut que sa douce, joyeuse et heureuse enfant soit torturée par l'étude. Il faut qu'il apprenne des choses dont il oubliera une moitié, dont l'autre ne lui sera jamais bonne à rien. Pauvre enfant. Si vous étiez mon fils à moi toute seule, je vous élèverais ici loin de tous les compagnons de classe qui vous démoraliseront, loin de toutes les vieilleries du savoir pédantesque. Je vous élèverai avec la Bible, l'histoire, la poésie et la nature. Puis, quand vous seriez homme, je vous laisserai aller visiter toutes les contrées de l'Europe, toutes les nations, toutes les universités pour vous initier directement à toutes les réalités de la vie. L'éducation est aujourd'hui intolérablement exclusive. La pauvre jeunesse est bourrée de connaissances et préparée ainsi à se coucher sur ce lit de procuste qu'on appelle le service de l'État, lequel exige de ses serviteurs une certaine dose de talent amalgamée avec une certaine dose de stupidité. Oh, les maîtres, peu leur importe ce que leurs élèves feront un jour de l'indigeste fatras dont ils chargent la mémoire. Peu leur importe si ces jeunes savants ne seront pas aussi de jeunes sots. « Mon petit Fortunio, » s'écria-t-elle, en pressant sur son cœur l'enfant étonné, « si dans 20 ans vous avez des lunettes sur le nez, des rides sur le front et les lèvres flétries, si vous êtes pédant, mon cher Fortunio, ennuyeux, gauche, blasé dans vos sens et votre intelligence, un citoyen stéréotypé, vain de votre mérite négatif, je me plaindrai à l'état dont vous êtes le sujet, je lui demanderai compte du sacrifice de vos instincts et de votre nature sur l'autel de ce molore de l'éducation nationale qui dévore nos enfants bien-aimés. » Faustine, lui répliquai-je, je crois que l'on doit élever les enfants dans le pays où ils sont nés, et parmi ceux dont leur naissance les destine à partager les goûts et les habitudes. L'éducation exotique s'accorde rarement avec les relations de la vie commune. Faustine m'interrompit en me répétant. « J'ai dit ce que je ferais si mon fils était mon fils à moi toute seule, mais vous êtes mon seigneur et maître, le mien et le sien. » Hélas, J'essaie en vain de vous donner une idée de mes entretiens. L'Orient fut pour moi le théâtre de mon bonheur suprême. Après notre retour à Florence, les idées de Faustine prirent tout à coup une autre direction. Ce léger nuage de mélancolie qui avait toujours voilé le caractère de cette femme sans égale, comme la vapeur transparente qui flotte autour du sommet des montagnes, ce nuage s'assombrit peu à peu et pesa sur son activité naturelle. Que signifiaient ces indices inquiétants? Sa santé semblait excellente. Elle était par sa position à l'abri de tous les soins et de tous les soucis qui naissent des préoccupations de la vie matérielle. Heureuse mère, heureuse épouse, qu'avait-elle à désirer ou à craindre? On ne pouvait le deviner et pourtant, Faustine était triste, elle souffrait, elle était malheureuse. « Je ne veux plus voyager, me disait-elle. Un jour, c'est trop de fatigue inutile, la terre est partout la même ainsi que la société. La surface seulement varie, dans l'une par le climat, dans l'autre par le tempérament. Le nouveau se trouve toujours être quelque chose de vieux. Ennui pour ennui, autant vaut rester chez soi. » Je m'efforçais de lui mettre devant les yeux tous les biens qui nous étaient échus en partage et la paix dont nous jouissions. « La paix dont vous parlez est extérieure, » répliquait Faustine. « Mais la tranquillité de l'âme, où se trouve-t-elle? Dans un couvent, peut-être? Ou bien dans le mariage? » m'intai-je d'ajouter en riant. Faustine garda le silence et baissa tristement la tête. J'eus pitié de l'état de découragement où elle était. Je la suppliai de m'en dire la cause. Je fis appel à sa confiance. « Ma confiance ? » s'écria Faustine, « vous l'avez tout entière. Mon âme est ouverte devant vous. Mais, Mario, ne voulez-vous pas y voir ce qui pour moi est évident, que j'ai assez vécu, que je suis rassasié de vivre, que je suis lasse de ce monde ?»« Oui, » ajouta-t-elle vivement, « voilà la vérité. Pourquoi fermez-vous les yeux pour ne pas l'apercevoir ? Le lys d'eau sait quand son temps est venu. Il s'élève à la surface de l'onde, puis il se laisse lentement aller au fond. » Sans plainte et sans regret. Les fleurs sont averties de leur destruction prochaine. L'homme seul s'obstine à ignorer l'imminence de sa mort, je vous le dis, Mario. L'année que je viens de passer avec vous a marqué l'apogée de mon bonheur. Le déclin commence. Ah, vous ne m'aimez plus ! M'écriai-je avec désespoir. Je vous aime. N'êtes-vous pas le premier, le seul que j'ai aimé avec mon cœur, avec ma raison ? Mon fils n'est-il pas le vôtre? Ai-je longtemps hésité à me donner à vous, tout entière, sans réserve? Je n'aimerai jamais personne après vous, excepté Dieu. Dieu, dont le tour est arrivé. Mais mon cœur a donné tout l'amour dont il était capable. C'est une veine épuisée, dont vous avez extrait tous les filons d'or. Je crains, Mario, oui, je crains qu'il n'en reste plus. « Faustine, » murmurai-je d'un ton de reproche. « Ah ! s'écria-t-elle en se jetant toute tremblante dans mes bras. « Si ce que je vous dis vous afflige, je n'aurai jamais le courage de vous avouer le reste. »« Mon Dieu, qu'avez-vous à m'avouer ? » demandai-je. « Quel projet méditez-vous ? » « De me donner entièrement à Dieu, » répondit Faustine en baissant la voix, « d'entrer dans un couvent. »« Jamais, » lui dis-je, « jamais je n'y consentirai. » L'entretien en demeura là, mais cette révélation, sans m'étonner beaucoup, m'avait affecté péniblement. L'idée que Faustine n'était pas heureuse empoisonnait tous mes instants. Je savais que cette détermination ne lui était suggérée ni par ses lectures, ni par son confesseur. Ce confesseur était un vieux prêtre, honnête et sensé, dont le zèle religieux n'avait rien d'ascétique. Nous résidions alors à Pise, cité mélancolique que Faustine avait prise en grande affection. Notre habitation était le palais Lanfranchi, situé sur les rives de l'Arno, le même que Lord Byron avait occupé pendant son séjour dans cette contrée. Le vieux comte de Kirchberg nous y avait retrouvés et se joignait souvent à nos promenades. Un jour, nous causions tous les deux ensemble. Il me dit, soit par hasard, soit avec intention, que le médecin d'Andlow l'avait envoyé en Italie pour sa santé et qu'il le croyait à Rome. Je pris à Kirchberg de n'en pas parler à Faustine, parce qu'elle était dans une de ces crises de l'âme qui demandent toutes sortes de ménagements. Kirchberg s'en était aperçu, car il lui était extrêmement attaché. Il n'y a que les indifférents qui nous voient toujours les mêmes. « Je vais aller faire des esquisses ce matin au Campo Santo, » nous avait dit Faustine, « et je ne serai pas de cette excursion à cheval. » Nous cédâmes à son désir, en convenant que nous lui enverrions la voiture pour la ramener. Je vis revenir la voiture vide, et le valet me dit que le custode du Campo Santo lui avait répondu que sa maîtresse était partie depuis 1 heure. Le domestique rapportait son album qu'on avait trouvé par terre. Je supposais que Faustine aurait rencontré quelque connaissance qui l'aurait emmenée avec elle, mais je conçus de l'inquiétude parce qu'elle était habituellement très exacte aux heures de repas. Il était déjà 5h30. Je me disposais à aller la chercher au hasard quand elle rentra, pâle, haletante, se jeta dans mes bras et s'écria « Il est ici, il est ici, il se meurt, il ne veut pas me voir. » Andlau était à Pise, mourant de la phtisie pulmonaire qui le minait depuis la blessure de son duel avec Obernau. La pureté du ciel l'avait engagé à aller voir le Campo Santo, et il s'était rendu accompagné de son médecin. Faustine l'avait reconnu tout d'abord malgré la profonde altération de ses traits. Il avait couru à lui en poussant un cri de douleur. Andlau, étendant la main avec le geste de la repousser, était tombé évanoui dans les bras du docteur. On l'avait emporté chez lui dans cet état. Faustine, au désespoir, l'avait suivi et était resté à ses côtés jusqu'à ce qu'il reprît connaissance. Mais alors le médecin l'avait supplié de le laisser de peur que sa vue ne lui fût une impression funeste. « Il ne me verra pas, » avait dit Faustine. « Mais permettez-moi de rester dans cette antichambre. » Elle y était demeurée 2 heures. Andlau avait repris ses sens. « Il n'a pas fait la moindre question sur moi, » me dit Faustine avec amertume. « Et enfin, je me suis souvenu de vous, Mario. J'ai pensé à votre anxiété. » Elle nous raconta tout cela par phrases entrecoupées. Kirchberg alla visiter Andlau, qu'il avait connu autrefois. Faustine envoya avec lui un domestique qui eut ordre de revenir toutes les heures nous apprendre comment est-elle malade. Pendant toute la soirée, Faustine, toujours agitée, ne cessait de répéter « Mario, Mario, Mario, je l'ai tué, j'ai tué Clément. Je blesse au cœur ceux qui m'aiment. La blessure est toujours mortelle. » À minuit, Kirchberg revint et dit à Faustine que si elle voulait revoir Andlau, elle devait se hâter, le docteur ayant déclaré qu'il passerait tout au plus la nuit. Elle se précipita dans la voiture et se rendit auprès du mourant sous l'escorte de Kirchberg, qui, depuis, me raconta qu'elle s'était agenouillée au chevet du lit. Andlau luttait contre la dernière agonie. Faustine murmura doucement son nom à son oreille, « Anastase !» Et cette voix opéra comme un charme. Jusque-là, insensible à tout, Andlau ouvrit soudain les yeux et sourit, tendit la main vers Faustine, essaya d'articuler l'abréviation familière de son nom, Inni, et expira. Son dernier soupir fut ainsi adressé à celle qui avait été si longtemps l'âme et le souffle de sa vie. Le soir du lendemain, à la lueur des torches, nous embarquâmes son cercueil sur l'Arno et l'escortâmes jusqu'au cimetière protestant de Livourne. Faustine était avec nous. Elle semblait rechercher toutes les émotions qui pouvaient ouvrir une issue à sa douleur, comme le chirurgien élargit la blessure dont il veut extraire une balle mortelle. Mais sa douleur ne pouvait s'épancher. L'infortuné restait sous l'oppression du désespoir. Faustine s'écriait de temps en temps « Ah, si Dieu daignait m'inspirer comme autrefois, quelque grande pensée dont je pourrais exprimer l'image, soit par la poésie, soit par la peinture, ce serait pour moi une distraction puissante, et le monde profiterait au moins de cette douloureuse inspiration. Mais non, rien, rien. Le ciel de l'imagination et de l'art m'est fermé. Laissez-moi en chercher un autre, Mario, celui dont la religion nous parle. Laissez-moi consacrer le reste de ma vie à Dieu seul et entrer dans un couvent. » « Vous me tuerez, » répondis-je au désespoir. « Non, je serai toujours là, Mario. Je veux calmer enfin cette fièvre qui me consume, cette fièvre que rien dans ce monde n'a pu calmer, ni l'amour, ni le chagrin, ni le bonheur, ni les joies de la vie, ni ces douloureuses épreuves. Oui, laissez-moi tenter, comme un dernier antidote, la renonciation à tout ce que j'ai aimé et recherché avec tant d'ardeur. Les murs du couvent nous sèvrent de tous les plaisirs du dehors. Soit que j'y trouve tout d'abord la paix, soit qu'elle ne puisse venir qu'après que j'aurai dompté la révolte de mon indocile nature. Je finirai par la conquérir, cette paix si désirée qu'on goûte avec Dieu. « La paix dans le tombeau ? » m'écriai-je. « Mon cher Mario, ne soyez pas jaloux du court repos dont je voudrais jouir avant de mourir. si vous saviez, mon ami, combien je suis lasse, non pas de la vie, non pas de l'amour, non, mais d'avoir vécu et aimé, vous seriez le premier à me guider dans un autre sentier. » Vous en prenez un qui vous égare, ma chère Faustine, lui dis-je. Vous allez trahir et déserter tout vos devoirs. N'avez-vous pas juré devant Dieu de vous attacher à moi dans la bonne et la mauvaise fortune? N'avez-vous pas l'enfance de votre fils à surveiller, sa jeunesse à guider? N'avez-vous pas à cultiver votre génie, ce don céleste qui peut être pour le monde un flambeau de vérité et de consolation? Ah ! Dit-elle en m'interrompant, mon pauvre Mario, avez-vous encore foi en mon génie, tandis que j'ai la conscience de ne pouvoir atteindre à la hauteur ambitieuse de mes conceptions? Quand Dieu eut créé le monde, il vit que tout était bien. On dit que le génie nous rend semblables à Dieu, car il crée des merveilles et des mondes avec rien. Je dois donc savoir si ce que je puis faire serait bien. Faustine, n'oubliez pas que la couronne d'épines est inséparable de la couronne de gloire. C'est au prix des plus cruelles angoisses que le génie enfante ses œuvres. Pour remonter au ciel, il faut qu'il se laisse attacher à la croix et qu'il descende aux enfers. Par quel privilège auriez-vous toujours sur votre tête un ciel sans orage? Eh bien, dit-elle, pour vous plaire, je composerai mon chant de mort. En effet, elle s'inspira une dernière fois de sa tristesse et écrivit un poème. Pendant qu'elle le composait, et avant que le manuscrit fût envoyé en Allemagne pour être imprimé, elle avait retrouvé presque toute l'animation et la gaieté de ses jours les plus heureux. Quels éloquents adieux à la vie! Mais quand le poème eut été publié et fut salué par des acclamations unanimes, ce résultat n'excita que son indifférence. « Je me suis épuisé à présent, me dit-elle. Je ne puis plus surpasser cette œuvre, et je ne voudrais pas en exécuter une qui serait inférieure. Ma tâche est finie. Le monde doit être satisfait. Il faut, cher Mario, que j'imite les anciens anachorètes et que je me retire seul avec Dieu. Je n'entrerai pas dans un couvent comme une madeleine pénitente pour expier par des austérités les fautes de ma vie. J'aspire à m'absorber dans la contemplation directe de la divinité, au lieu de l'aimer et de la glorifier comme autrefois par l'admiration de ses œuvres. Je veux m'élever du visible à l'invisible, du périssable à l'éternel. Je lui reprochais de vouloir priver notre Fortunio de sa mère, et de se priver elle-même du plus saint des bonheurs, la maternité. Avec une ferveur de tendresse qui me fit trembler à la pensée de ce qu'elle souffrirait du retour de ce sentiment, quand le voile serait jeté sur elle, Faustine s'écria « Me séparer de vous, Mario, voilà ma privation, celle qui me rend insensible à toutes les autres, ne plus vous voir, ne plus partager avec vous toutes mes pensées, ne plus vous découvrir mon âme entière, ne plus me retremper mon amour dans le feu de vos regards, Mario, Mario. C'est là un avenir que je n'envisagerais pas sans perdre la raison ou cesser de vivre à l'instant même si je n'étais pas persuadé qu'un sacrifice est nécessaire. Mais c'est moi que vous sacrifiez, ni vous ni moi, mais tous les deux. » À ces mots, elle me prit la tête dans ses mains et fixa sur moi un de ces regards dont personne n'avait jamais pu braver la fascination. Je lui avais dit souvent qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de sa place au paradis, parce qu'elle n'aurait qu'à sourire ainsi à Saint-Pierre, il lui en ouvrirait immédiatement la porte à deux battants. Je mesurais à ce regard toute la grandeur de la perte dont j'étais menacé, et je lui demandais avec un peu d'amertume « Et que voulez-vous être ? Une sœur grise, vous qui frissonnez à l'aspect d'une blessure et que l'odeur d'une chambre de malade fait presque s'évanouir ? Une Ursuline pour enseigner l'alphabet aux petites filles, vous qui vous impatientez quand on ne comprend pas tout d'abord votre pensée rapide et qu'on vous fait attendre la réponse ?» Elle me dit avec l'accent le plus doux « Non, mon ami, ces ordres n'ont pas été inventés pour moi. Je suis incapable d'accomplir les devoirs qu'ils imposent. Vous avez bien raison. Il me faut une existence retirée, calme et contemplative pour lire, composer des psaumes, toucher de l'orgue et prier. Je trouverai ce qui me convient dans le couvent des Vives Sepolte. » Les Vives Sepolte, les mortes vivantes, ce nom seul me fit frissonner. J'allai auprès du père Girolamo. Je lui jurai qu'il ne risquait pas de trahir les secrets du confessionnal en me parlant de l'état d'esprit où était Faustine. Je lui racontai toute ma conversation et il m'assura qu'elle avait eu la même avec lui, qu'il avait cherché à la dissuader mais qu'elle lui avait résisté. « C'est une vocation spéciale, » me dit-elle d'un air résolu lui-même et avec calme. De son côté, Faustine resta si inébranlable dans sa détermination que je commençai à espérer un excellent résultat, quoique dans un avenir encore lointain et obscur. Quant à mon propre bonheur, c'était ce qui m'occupait le moins, et je ne me plaignais pas qu'elle n'en tînt plus compte. Du moment où j'avais uni mon sort à celui d'une créature si supérieure, je m'étais attendu à payer cher cette faveur du ciel. Combien de fois je me disais, un cœur comme le sien pourra-t-il se contenter longtemps d'être en communion avec un cœur de mortel? Il n'y a que Dieu, l'âme de la nature, qui pourrait toujours le satisfaire. Je me réfugiais dans l'abnégation, dans le désintéressement de l'amour vrai. Je ne voulus pas disputer plus longtemps Faustine à Dieu, et je donnai mon consentement. Le pape prononça la dissolution de notre mariage et accorda à Faustine une dispense pour prendre le voile, sans faire de noviciat, où vivaient Sépolte et de Rome. Elle accomplit la consommation de sa destinée avec confiance et l'espoir de la foi. Pour moi, résigné, j'étouffais les angoisses de notre dernier adieu. Il y a des esprits capables de détruire le magicien qui les a évoqués. J'eus le courage d'assister à la prise de voile. Je voulus la voir jusqu'au moment suprême. Je me disais qu'après mon regard, aucun regard profane ne la verrait plus. Ses beaux cheveux tombèrent sous les ciseaux, le voile s'abaissa sur cette taille gracieuse, cette physionomie inspirée, ce sein palpitant. L'astre de ma vie s'éclipsa comme dans un nuage. Ah, si du moins une nouvelle aurore avait lui pour elle, mais non, madame la comtesse, elle est morte. Voilà 5 mois qu'elle est morte. 6 mois à peine après sa consécration à Dieu, le confesseur du couvent m'écrivit qu'elle venait d'expirer dans un esprit d'édification et de béatitude, n'ayant fait qu'une courte maladie. L'évêque cardinal, sous le patronage duquel le couvent est régi, m'écrivit la même chose, me vantant son humilité, sa douceur, sa piété. Il pensait me consoler ainsi, me consoler de ce qu'elle était morte. Hélas, ce n'était pas de sa courte maladie, mais de son chagrin, de son expérience amère, peut-être de ses regrets, car je suis persuadé qu'elle n'avait pu atteindre au 3e stage dont elle m'avait parlé et qu'elle mourut dans le 2nd. Comme l'aigle en cage, elle avait frappé les barreaux de ses ailes, s'était blessée, et la mort était dans cette blessure. Elle avait trop tard reconnu que dans cette vie, nous pouvons tout juste, comme Moïse, gravir le sommet de la montagne et apercevoir la terre promise, mais non y arriver. Puisse la paix être avec toi, pauvre âme agitée. Je n'ai rien à vous raconter de moi-même. Vous devez bien comprendre que depuis que j'ai perdu Faustine, le soleil me paraît de plus en plus pâle, les nuits plus longues, la nature plus triste à mes yeux. La mort récente de mon père m'a appelé en Allemagne, où j'ai perdu aussi l'homme que j'ai le plus honoré, comme la seule femme que j'eusse aimée. Mais il me reste une espérance vivante. Mon jeune fils, qui me regarde avec les yeux de Faustine, me parle avec sa voix, même avec son cœur. C'est mon trésor légué par elle. Mario cessa de parler et posa les mains sur la tête de Fortunio qui s'était endormi sur ses genoux. 2 larmes roulèrent sur son fier et calme visage, que le clair de lune faisait paraître plus pâle. Nous nous serrâmes la main. Mario se leva, prit Fortunio dans les bras et le porta jusqu'à une des gondoles qui sont toujours stationnées sur le rivage. Nous entendîmes le bruit des rames. Je ne revis plus Mario, car nous quittâmes Venise cette même nuit. Mais j'appris en automne qu'il s'était rendu à Naples, où son gouvernement l'avait envoyé. Pendant que la gondole sillonnait la lagune, je dis à mon compagnon « Les femmes comme Faustine sont les anges vengeurs de notre sexe, que la Providence fait de temps en temps descendre sur cette terre, et dont les hommes, les meilleurs, deviennent les victimes, parce que les meilleurs seuls d'entre vous savent donner cœur pour cœur, vie pour vie, et s'imagine qu'un tel échange peut se faire avec de telles femmes. Mais défiez-vous des Faustines. Vous ne pouvez vivre à condition égale avec elles. C'est toujours la vieille légende du Dieu et de ses mêlées. Non, non, ce n'est pas du Dieu, c'est du démon. » Ainsi s'achève la comtesse Faustine de Ida Hanhan.